Chapitre 35e. Je demande pardon au lecteur de l'avoir entretenu si longuement de mes tribulations et des petites malices de mes agents. J'aurais bien désiré lui épargner l'ennui d'un chapitre qui n'intéresse que ma réputation. Mais avant d'aller plus loin, j'avais à cœur de montrer qu'il n'est pas toujours bon, bien qu'on ne prête qu'aux riches, d'ajouter faux aux sornettes que débitent mes ennemis. Que n'ont pas imaginé les mouchards, les voleurs et les escrocs, qui n'éprouvaient pas moins les uns que les autres le besoin de me voir évincé de la police. « Un tel est enfoncé, » racontait un ami à sa femme lorsque le matin ou le soir il revenait au gîte. « Pas possible. Eh mon Dieu, comme je te dis, par qui donc ? Faut-il le demander, par ce gueux de Vidocq ?» Deux de ces faiseurs d'affaires, qui sont nombreux sur le pavé de Paris, se rencontraient-ils ? « Tu ne sais pas la nouvelle ? Ce pauvre harisson est à la force. Tu plaisantes ? Je voudrais plaisanter. » Il était en train de traiter d'une partie de marchandises, j'aurais mon droit de commission, eh bien, mon cher, le diable s'en est mêlé. En prenant livraison, il a été arrêté. Et par qui ? Par Vidocq, le misérable. Une capture d'une haute importance était-elle annoncée dans les bureaux de la préfecture ? Avais-je saisi quelques grands criminels, dont les plus famatoires d'entre les agents avaient 100 fois perdu la piste ? Tout aussitôt les mouches de bourdonnaient. C'est encore ce maudit Vidocq qui empoignait celui-là. C'était dans la jambe moucharde des récriminations à n'en plus finir. Tout le long des rues de Jérusalem et de Sainte-Anne, de cabaret en cabaret, l'écho répétait avec l'accent du dépit « Encore Vidocq, toujours Vidocq !» Et ce nom résonnait plus désagréablement aux oreilles de la cabale qu'à celle de feu les Athéniens le surnom de Juste qui leur avait fait prendre en grippe des fins Aristides. Quel bonheur pour la clique des voleurs, des escrocs et des mouchards, si, tout exprès pour leur offrir un moyen de se délivrer de moi, on avait ressuscité en leur faveur la loi de l'ostracisme. Comme alors ils auraient rejoint leur coquille. Mais, sauf les conspirations du genre de celles dont M. Coco et ses complices se promettaient un si fortuné dénouement, que pouvaient-ils faire ? Dans la ruche, on imposait silence aux frêlons. « Voyez Vidocq, leur disaient les chefs, prenez exemple sur lui. Quelle activité il déploie, toujours sur pied, jour et nuit, il ne dort pas. Avec 4 hommes comme lui, on répondrait de la sûreté de la capitale. » Ces éloges irritaient les endormis, mais ils ne les tentaient pas. Se réveillait-il, ce n'était jamais que le verre à la main. Et au lieu de se rendre à tire-d'aile ou les appeler le devoir, ils se formaient en petits comités et s'amusaient à travailler le casaquin, qu'on me passe l'expression, elle n'est pas de moi. « Non, il n'est pas possible, » disait l'un. « Pour prendre ainsi marron les voleurs, il faut qu'ils s'entendent avec eux. »« Parbleu, » reprenait un autre, « c'est lui qui les met en œuvre. Il se sert de la patte du chat. » « Oh, c'est un malin singe !» ajoute un troisième. Puis un quatrième, brochant sur le tout, s'écriait d'un ton sentencieux. « Quand il n'a pas de voleur, il en fait. Or, voici comment je faisais des voleurs. » Je ne pense pas que parmi les lecteurs de ces mémoires, il s'en trouve un seul qui, même par cas fortuit, ait mis les pieds chez Guillotin. « Et quoi, me dira-t-on, Guillotin ? Ce savant médecin que l'amour du prochain fit mourir de chagrin. Vous n'y êtes pas ?» Il s'agit bien ici du fameux docteur qui... Le guillotin dont je parle est tout simplement un modeste frelateur de vin, dont l'établissement, fort connu des voleurs du plus bas étage, est situé en face de ce cloaque dénoyé que les riboteurs de la barrière appellent le grand salon de la courtille. Un ouvrier peut encore être honnête jusqu'à un certain point et se risquer en passant chez le papa dénoyé. S'il n'a pas froid aux yeux et qu'au bâton ainsi qu'à la savate, il s'entend à moucher les malins, il se pourra, les gendarmes aidant, qu'il en soit quitte pour quelque horion, et n'ait à payer d'autre écho que le sien. Chez Guillotin, il ne s'en tirera pas si bon marché, surtout s'il y est venu proprement couvert et avec le gousset passablement garni. Que l'on se figure une salle carrée assez vaste, dont les murs, jadis blancs, ont été noircis par des exhalaisons de toute espèce. Tel est, dans toute sa simplicité, l'aspect d'un temple consacré au culte de Bacchus et de Terpsichore. D'abord, par une illusion d'optique assez naturelle, on n'est frappé que de l'exiguïté du local. Mais l'œil venant à percer l'épaisse atmosphère de 1000 vapeurs qui ne sont pas inodores, l'étendue se manifeste par les détails qui s'échappent du chaos. C'est l'instant de la création, tout s'éclaircit, le brouillard se dissipe, il se peuple, il s'anime, des formes apparaissent, on se meut, on s'agite. Ce ne sont pas des ombres vaines. C'est au contraire de la matière qui se croise et s'entrelace dans tous les sens. Que de béatitude, quelle joyeuse vie! Jamais pour des épicuriens tant de félicité ne fut rassemblée. Ceux qui aiment à se vautrer y ont la main, de la fange partout. Plusieurs rangées de tables, sur lesquelles, sans qu'on les essuie jamais, se renouvellent 100 fois le jour les plus dégoûtantes libations, encadrent un espace réservé à ce qu'on appelle les danseurs. Au fond de cet antre infect s'élève, supporté par 4 pieux vermoulus, une sorte d'estrade construite avec des débris de bateau, que dissimule le grossier assemblage de 2-3 lambeaux de vieilles tapisseries. C'est sur cette cage à poulet qu'est juchée la musique. 2 clarinettes, un crin-crin, le trombone retentissant et l'assourdissante grosse caisse, 5 instruments dont les mouvements cadencés de la béquille de M. Double Croche, petit boiteux qui prend le titre de chef d'orchestre, régularise les terribles accords. Ici tout est harmonie, les visages, les costumes, les mets que l'on prépare. Une mise décente et de rigueur. Il n'y a pas de bureau où l'on dépose les cannes, les parapluies et les manteaux. L'on peut entrer avec son crochet, mais l'on est prié de laisser son équipage à la porte, le mannequin. Les femmes sont coiffées en chien, c'est-à-dire les cheveux à volonté, et le mouchoir perché au sommet de la tête ou par un nœud formé en avant, ses coins dessinent une rosette, ou si vous l'aimez mieux, une cocarde qui menace l'œil à la manière de celle des mulets provençaux. Pour les hommes, c'est la veste avec accompagnement de casquette et col rabattant, saisant d'une chemise, qui est la tenue obligée. La culotte n'est pas nécessaire. Le suprême bonton serait le bonnet de police d'un canonnier, le dolman d'un hussard, le pantalon d'un lancier, les bottes d'un chasseur, enfin la défroque surannée de 3 ou 4 régiments ou la garde-robe d'un champ de bataille, pas de fanfan ainsi costumé qui ne soit la coqueluche de ces dames, tant elles adorent la cavalerie et ont un goût prononcé pour les habiller de toutes les réformes. Mais rien ne leur plaît comme des moustaches et le charivari rouge orné de son cuir. Dans cette réunion, le chapeau de feutre, à moins qu'il ne soit défoncé ou privé de ses bords, n'apparaît que de loin en loin. On ne se souvient pas d'y avoir vu un habit, et quiconque oserait s'y montrer en redingote, à moins d'être un habitué, serait bien sûr de s'en aller en gilet rond. En vain demandera-t-il grâce pour ces pans dont s'offusquent les regards de la noble assemblée. Trop heureux si, après avoir été bafoué et traité de moderne à l'unanimité, il n'en laisse qu'un seul entre les mains de cette belle jeunesse, qui, dans ses rages de gaieté, hurle plutôt qu'elle ne chante ses paroles si caractéristiques. « Laissez-moi donc, je veux m'en aller, tout débinés à la courtille. Laissez-moi donc, je veux m'en aller, tout débinés chez Desnoyers. » Desnoyers est le cadre en bleu de la canaille. Mais avant de franchir le seuil du cabaret de Guillotin, la canaille elle-même y regarde à 2 fois, de telle sorte que dans ce réceptacle on ne voit que des filles publiques avec leurs souteneurs, des filous de tout genre, quelques escrocs du dernier ordre, et bon nombre de ces perturbateurs nocturnes, intrépides faubouriens, qui font 2 parts de leur existence, l'une consacrée au tapage, l'autre au vol. On se doute bien que l'argot est la seule langue que l'on parle dans cette aimable société. C'est presque toujours du français, mais tellement détourné de sa signification primitive qu'il n'est pas un membre de l'illustre compagnie des 40 qui peut se flatter d'y comprendre goutte. Et pourtant les abonnés de Guillotin ont aussi leurs puristes. Ceux-là prétendent que l'argot a pris naissance à l'Orient, et sans croire qu'on puisse leur contester la qualité d'orientaliste, ils se l'appliquent sans plus de façon comme aussi celle des argonautes lorsqu'il leur est arrivé d'achever leurs études sous la direction des argousins en faisant dans le port de Toulon la navigation dormante à bord d'un vaisseau rasé. Si les notes étaient de mon goût, je pourrais saisir aux cheveux l'occasion d'en faire quelques-unes de très savantes. Peut-être irais-je jusqu'à la dissertation. Mais je suis en train de peindre le paradis des faiseurs d'orgie, les couleurs sont broyées, achevant le tableau. Si l'on boit chez Guillotin, on y mange également. Et les mystères de la cuisine de ce lieu de délices valent bien la peine d'être dévoilés. Le petit père Guillotin n'a pas de boucher, mais il a son écarisseur. Et dans ses casseroles de cuivre, dont le verre de gris n'empoisonne pas, le cheval fourbu se transforme en bœuf à la mode, les cuisses du caniche mis à mort dans la rue Guénégo deviennent des gigots de présalé, et la magie d'une sauce raffermissante donne au veau mort-né de la laitière l'appétissant coup d'œil du pontoise. La chair, assure-t-on, est exquise en hiver, quand il tombe du verglas, et sous M. de Labeau, si parfois dans l'été le pain était hors de prix, durant le massacre des innocents, on était certain d'y trouver du mouton à bon compte. Dans ce pays des métamorphoses, le lièvre n'eut jamais droit de bourgeoisie. Il a cédé sa place au lapin. Et le lapin, que les rats sont heureux. Oh, fortunati nimium sinorint. C'est le magistère de Saint-Mandé qui me prête la citation. On me dit que c'est du latin. Peut-être est-ce du grec ou de l'hébreu, n'importe, je m'abandonne, advienne que pourra, à la volonté de Dieu. Mais toujours est-il que si les rats avaient pu voir ce que j'ai vu, à moins que d'être une race ingrate et perverse, ils auraient trouvé une souscription pour ériger une statue au libérateur petit père Guillotin. Un soir, pressé par ce besoin qu'un bon français ne satisfait jamais seul, je me lève pour chercher une issue. Je pousse une porte, elle cède. À la fraîcheur de l'air, je reconnais que je suis dans une cour. L'endroit est propice, je m'avance à tâtons. Tout à coup, je fais un faux pas. On avait vraisemblablement dérangé quelques pavés. Je tends les bras pour me retenir, et tandis que de l'un, je saisis un poteau, de l'autre, j'empoigne quelque chose de fort doux et de fort long. J'étais dans les ténèbres, il me semble voir briller quelques étincelles, et au toucher, je crois reconnaître certains appendices velus de la colonne vertébrale d'un quadrupède. J'en tiens une botte, je tire dessus. Il me reste à la main un paquet de dépouilles avec lequel je rentre dans la salle au moment même où M. Double-Croche, désignant les figures aux danseurs, s'égosille à crier la queue du chat. Il ne faut pas demander si l'on saisit l'à propos. Il se fit dans l'assemblée un miaulement général, mais ce n'était au plus qu'une plaisanterie. Les amateurs de gibelotte miaulèrent comme les autres, et après avoir enfoncé leurs casquettes, « Allons !» dirent-ils en se léchant les doigts. « Au petit bonheur, coiffés de chats, nourris de même, nous ne manquerons pas de sitôt. La mère des Matous n'est pas morte. » Les pratiques du papa Guillotin consomment d'ordinaire plus en huile qu'en coton. Cependant, je puis affirmer que de mon temps, il s'est fait dans son cabaret quelques ripailles qui, distraction faite des liquides, n'eussent pas coûté davantage au café riche ou chez Grignon. Il me souvient de 6 individus, les nommés Driancourt, Bilat, Pitrou et 3 autres, qui trouvèrent le moyen d'y dépenser 166 francs dans une soirée. À la vérité, chacun d'eux avait amené sa particulière. Le bourgeois les avait sans doute quelque peu écorchés, mais il ne s'en plaignait pas, et ce quart d'heure que Rabelais trouve si dur à passer ne leur arracha pas la moindre objection. Ils payèrent grandement, sans oublier le pourboire du garçon. Je les fis arrêter pendant qu'ils acquittaient le montant de la carte, qu'ils n'avaient pas même pris le temps d'examiner. Les voleurs sont généreux quand ils ont rencontré une bonne veine. Ceux-là venaient de commettre plusieurs vols considérables qu'ils expient aujourd'hui dans les bagnes de France. On a peine à croire qu'au centre de la civilisation, il puisse exister un repère si hideux que l'entre-guillotin. Il faut comme moi l'avoir vu. Homme ou femme, tout le monde y fumait en dansant, la pipe passait de bouche en bouche, et la plus aimable galanterie que l'on put faire aux nymphes qui venaient à ce rendez-vous, étaler leur grâce dans les postures et attitudes de l'indécente chahut, était de leur offrir le pruneau, c'est-à-dire la chic sentimentale, ou le tabac roulé, soumis ou non, suivant le degré de familiarité, à l'épreuve d'une première mastication. Les officiers de paix et les inspecteurs étaient de trop grands seigneurs pour se lancer au milieu d'un public pareil. Ils s'en tenaient au contraire soigneusement à l'écart, évitant un contact qui leur répugnait. Moi aussi j'étais dégoûté, mais en même temps j'étais persuadé que pour découvrir et atteindre les malfaiteurs, il ne fallait pas attendre qu'ils vinssent se jeter dans nos bras. Je me décidai donc à aller les chercher, et pour ne pas faire des explorations sans résultat, je m'attachais surtout à connaître les endroits qu'il fréquentait par prédilection. Ensuite, comme le pêcheur qui a rencontré un vivier, je jetais ma ligne à coup sûr. Je ne perdais pas mon temps à vouloir, comme on dit, trouver une aiguille dans une botte de foin. Quand on veut avoir de l'eau, à moins que la rivière ne soit sec, il est ridicule de compter sur la pluie. Mais je quitte la métaphore et m'explique. Tout cela signifie que le mouchard qui se propose de travailler utilement à la destruction des voleurs doit autant que possible vivre avec eux, afin de saisir l'occasion d'appeler sur leur tête la vindicte des lois. C'était ce que je faisais, et c'était aussi ce que mes rivaux appelaient faire des voleurs. J'en ai fait de la sorte bon nombre, notamment à l'époque de mes débuts dans la police. Dans une après-midi de l'hiver de 1811, j'eus le pressentiment qu'une séance chez Guillotin ne serait pas infructueuse. Sans être superstitieux, je ne sais pourquoi j'ai toujours cédé à des inspirations de ce genre. Je mis donc à contribution mon vestiaire, et après m'être accommodé de manière à n'avoir pas l'air d'un moderne, je partis de chez moi avec un autre agent secret, le nommé Riboulet, arsoui consommé, que tous les houris de la guinche, de la guinguette, revendiquaient comme leur chevalier, bien qu'il donnât aussi dans les cotonneuses, fileuses de coton, qui voyaient en lui le plus agréable des faubouriens. Pour l'excursion projetée, une femme était un bagage indispensable. Riboulet avait sous la main celle qui nous convenait. C'était sa maîtresse en titre, une fille publique nommée Manon la Blonde, qu'il avait pris l'engagement de faire respecter. En deux coups de temps, elle eut fait un polisson de ses bas de laine, serré les cordons de taille de sa robe écarlate, passé son châle gris angora à bordure blanche, chaussé ses galoches à pantoufles, rejoint ses cheveux, et donner au fichu dont elle recouvrait son chef cet aspect de crânerie qui n'est pas obligatoire pour le négliger. Manon était à la joie de son cœur de faire le panier à deux anses. Nous nous acheminons ainsi, bras dessus, bras dessous, vers la courtille. Arrivés au cabaret, nous commençons par nous attabler dans un coin, afin d'être plus à portée d'examiner ce qui se passe. Riboulet était un de ces hommes dont la seule présence commande l'empressement. Il n'avait pas parlé, ni moi non plus, que nous étions servis. « Tu vois, me dit-il, le daron sait l'ordonnance, le pivois, le vin, le rôti et la salade. » Je demandais s'il n'était pas possible d'avoir de la matelote. « De l'anguille, » s'écria Manon, « on t'en fichera. Du gabot avec des pleurants, du chien de mer et des oignons, c'est assez bon. » Je n'insistais pas, et nous nous mîmes tous trois à dévorer avec autant d'appétit que si nous n'eussions pas connu les secrets de Papa Guillotin. Pendant ce repas, un bruit qui se fit entendre du côté de la porte attira notre attention. C'était des vainqueurs qui faisaient leur entrée triomphale. Mâles et femelles, ils étaient au nombre de 6, formant 3 couples d'individus qui n'avaient plus figure humaine. Tous avaient ou des égratignures au visage, ou les yeux au beurre noir. Au désordre sanglant de leur toilette, à la fraîcheur de leur débraillement, il était aisé d'apercevoir qu'ils étaient les héros d'une batterie dans laquelle, de part et d'autre, on s'était administré force coups de poing. Ils s'avancèrent vers notre table. L'un des héros. « Parlons, les amis. Y a-t-il place pour nous ici ?»« Moi. Nous serons un peu gênés, mais c'est égal, en se serrant. » Riboulet, m'adressant la parole. « Allons donc, cadet, tire la 40, la table, pour les camarades. » Manon, aux arrivants. « Ces dames sont de votre société ?» Une des héroïnes. « Qu'est-ce que tu lis ?» se tournant vers ses compagnes. « Qu'est-ce qu'elle dit ?» Le héros de celle-ci. « Tête ta gueule !»« Didine, madame, t'insulte pas !» Toute la troupe s'assied. Un héros. « Eh, par ici, mon fille Guillotin, un petit père noir de 4 ans à 8 jacques, un broc de 4 litres à 8 sous. Guillotin, on y va, on y va !» Le garçon, ayant le broc à la main. « 32 sous, s'il vous plaît. »« Les v'là, tes 32 pieds de nez, t'as donc table de nosig ? Tu te méfies donc de nous ?» Le garçon. « Non, mes enfants, mais c'est la mode, ou comme vous voudrez, la règle de la maison. » Le vin coule dans tous les verres, on remplit aussi les nôtres. « Excusez de la liberté, » dit alors celui qui avait versé. « Il n'y a pas de mal, » répondit Riboulet. « Vous savez, une politesse en vaut une autre. Oh, il ne faudra pas me l'entonner. Eh oui, buvons. Qui paiera, ce sera les pantres. Tu l'as dit, mon homme, dessalons-nous. » Nous nous dessalâmes si bien que vers les 10 heures du soir, tout ce qu'il y avait de sympathique entre nous se manifestait déjà par des protestations à perte de vue et par des explosions de cet tendre et saviné qui met en dehors toutes les infirmités du cœur humain. Quand fut venu l'instant de sortir, nos nouvelles connaissances et surtout leurs femmes étaient dans une complète ivresse. Riboulet et sa maîtresse n'étaient que gais. Ainsi que moi, ils avaient conservé leur tête. Mais pour paraître à l'unisson, nous affections d'être hors d'état de pouvoir marcher. Formés en bande, parce que de la sorte les coups de vent sont moins à craindre, nous nous éloignâmes du théâtre de nos plaisirs. Alors, afin de neutraliser par la puissance d'un refrain les dispositions chancelantes de notre bataillon, Riboulet, d'une voix dont les cordes vibraient dans la lie, se mit à chanter, dans le plus pur argot du bon temps, une de ces ballades à reprise qui sont aussi longues qu'un faubourg. En roulant de Verne en Vergne pour apprendre à goupiner, j'ai rencontré la mercandière, l'onfa malura d'ondaine, qui du pibois solisait, l'onfa malura d'ondé, etc., etc. Le final que nous prîmes, pour ainsi dire, dans la bouche de Manon, avant qu'elle eût achevé de le prononcer, fut répété 8 à 10 fois de manière à faire frémir les vitres de tout le quartier. Après cet élan d'une hilarité bachique, les premières fumées du vin, qui sont d'ordinaire les plus vives, venant peu à peu à se dissiper, nous entrâmes en conversation. Le chapitre des confidences, suivant la coutume, s'ouvrit en façon d'interrogatoire. Je ne me fis pas tirer l'oreille pour répondre, allant toujours au-delà de ce qu'on désirait savoir. Étranger à Paris, je n'avais connu Riboulet qu'à son passage dans la prison de Valenciennes, lorsqu'il avait été reconduit à son corps comme déserteur. C'était un ami de collège, un camarade de détention, que j'avais retrouvé. Pour le surplus, j'eus soin de me représenter sous des couleurs qui les charmèrent. J'étais un sacrément final, je ne sais pas ce que je n'avais pas fait, et j'étais prêt à tout faire. Je me déboutonnais pour les engager à se déboutonner à leur tour, c'est une tactique qui m'a souvent réussi. Bientôt, les camarades bavardèrent comme des pies, et je fus au courant de leurs affaires tout aussi bien que si je ne les eusse jamais quittés. Ils m'apprirent leurs noms, leurs demeures, leurs exploits, leurs revers, leurs espoirs. Ils avaient vraiment rencontré l'homme qui était digne de leur confiance. Je leur revenais, je leur convenais, tout était dit. De semblables explications altèrent toujours plus ou moins. Tous les rogomistes qui se trouvaient sur notre chemin nous devaient quelque chose. Plus de 100 poissons furent bus en l'honneur de notre nouvelle liaison. Nous ne devions plus nous séparer. « Viens avec nous, viens !» me disaient-ils. Ils étaient si pressants que, n'ayant pas la force de me dérober à leurs instances, je consentis à les reconduire chez eux, rue des Filles-Dieux, numéro 14, où ils logeaient dans une maison garnie. Une fois dans leur galta, il me fut impossible de refuser de partager leur lit. On ne se fait pas d'idée, comme ils étaient bons enfants. Moi, je l'étais aussi. Ils en étaient d'autant plus persuadés que le compère Riboulet, durant une heure environ que je fis semblant de dormir, leur fit de moi à voix basse un éloge, dont la moitié même ne pouvait être vraie, sans que j'eusse mérité 10 condamnations à perpétuité. Je n'étais pas né coiffeur, comme certains personnages que le spirituel Figaro exposait sur la sellette du ridicule. J'étais né coiffé, et j'avais un bonheur à faire mourir de chagrin toute une génération d'honnêtes gens. Enfin, Riboulet m'avait si bien mis dans les papiers de nos hôtes que dès la pointe du jour, ils me proposèrent d'être d'expédition avec eux pour un vol qu'ils allaient commettre en rue de la Berrerie. Je n'eus que le temps de faire avertir le chef de la 2e division qui prit si bien ses mesures qu'ils furent arrêtés porteurs des objets volés. Riboulet et moi, nous étions restés en gaffe, afin de donner l'éveil en cas d'alerte, croyaient les voleurs, mais plus réellement pour voir si la police était à son poste. Quand ils passèrent près de nous, tous trois emballés dans un fiacre d'où ils ne pouvaient nous apercevoir, « Eh bien, me dit Riboulet, les voilà comme dans la chanson de Manon, Trétout paumé marron. » Ils furent pareillement Trétout condamnés, et si les noms de Debuire, de Rollet, d'Hippolyte, d'Ilabiche sont encore inscrits sur le contrôle des bagnes, c'est parce que j'ai passé une soirée chez Guillotin aux Enfants du Soleil.